Pendant longtemps, le geek, fan de science, de SF et de pop culture, était au cinéma et à la télévision le personnage dont on se moquait, souvent ridiculisé, martyrisé. Le public était invité à rire de lui. Jusqu'en septembre 2007, il y a 10 ans, où un sitcom grand public diffusé sur la chaîne CBS aux États-Unis fait le pari un peu fou de prendre pour personnages principaux des geeks, quatre scientifiques qui accumulent tous les travers classiques de l'archétype, asociaux, terrifiés par les filles, aussi brillants intellectuellement qu'inadaptés socialement, et Bazinga, ça marche, The Big Bang Theory, diffuse cette année sa 11e saison. Bang Theory, mon geek, ce héros, c'est le programme qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour plonger et pour s'immerger dans les 11 saisons des aventures de Sheldon, Leonard, Howard, Rajesh et les autres, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Matteo Merzagora. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes directeur de l'association Trace, directeur de l'espace Pierre-Gilles de Gennes, qui est le lieu culturel de l'ESPCI Paris et de Paris Sciences et Lettres. Et nous sommes en duplex depuis les studios de nos confrères de France Bleu Vaucluse à Avignon avec David Perron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'université d'Aix-Marseille. Mais avant cela, elle est à l'actualité scientifique. Ce que Sheldon est à la théorie des cordes, c'est Zoé Sfez. Le journal des sciences. Et pour commencer le journal des sciences de cette semaine, deux études australiennes importantes ont été publiées, deux études qui donnent de vraies pistes susceptibles de combattre le blanchissement de la grande barrière de corail, avec en premier lieu des chercheurs qui ont réussi à transplanter du corail, Zoé. Ils ont en tout cas réussi à élever du corail dans une région de la grande barrière et à le transplanter dans une autre, particulièrement endommagée, la grande barrière qui a connu, je le rappelle, ces deux dernières années, des épisodes de blanchissement inédits dans l'histoire par leur gravité et qui restent constamment évidemment menacé par le réchauffement climatique. Les chercheurs de l'université australienne de Southern Cross, qui ont rendu publique leur étude ce dimanche, ont collecté fin 2016 de grandes quantités d'ovules et de sperme de coraux à Heron Island, au large de la côte orientale de l'Australie. Car je le rappelle, 75% des coraux sont hermaphrodites. Ils produisent à la fois des ovules et du sperme dans les cavités du polype, qui sont libérés de la cavité au même moment, en général au cours d'une seule et même nuit. Peter Harrison, le chef de ce projet très regardé en ce moment, m'a expliqué sa méthode et ses résultats. You know, in places such as the Great Barrier Reef, you get thousands of individual colonies of many, many species. Près de la Grande Barrière de Corail, cela s'apparente vraiment à une tempête de neige sous l'eau, avec des centaines de colonies de différentes espèces de coraux qui libèrent des quantités énormes d'ovules et de sperme qui remontent jusqu'à la surface de l'eau où se produit la fécondation. Une fois les ovules fécondés, un embryon se développe en 24 heures et se transforme en planula ou larve ciliée qui nage librement pendant près d'une semaine jusqu'à ce qu'elle soit prête à s'installer sur un récif. Le problème, c'est qu'il y a un caractère très inefficace à ce processus, avec des millions de larves produites, mais qui sont très exposées aux vagues, et finalement très peu d'entre elles parviennent à s'installer avec succès sur un récif. C'est là que nous intervenons. Nous capturons le sperme et les ovules à la surface de l'eau, nous maximisons les chances de fertilisation en laboratoire et nous nous assurons que les larves se développent correctement, ce qui décuple évidemment leur capacité à s'installer ensuite sur le récif. Nous avons développé ce projet à petite échelle, sur des enclos de récifs de 2 mètres sur 2, mais c'est la première fois que nous parvenons sur la Grande Barrière de Corail à réaliser cette technique à plus grande échelle, sur des enclos de 10 mètres sur 10. Nous avons réussi à refaire pousser des coraux sur des récifs qui étaient extrêmement endommagés. En seulement 3 ans, nous sommes partis de microscopiques larves de moins d'un millimètre à des coraux de plus de 30 cm de diamètre, déjà en capacité de se reproduire naturellement. Ce que nous ignorons, c'est à quel point cette technique pourrait fonctionner à très grande échelle. Par ailleurs, nous n'utilisons pour le moment qu'une gamme sélective d'espèces de coraux, dont nous connaissons très bien les modalités de reproduction. Dans le futur, le but est bien sûr d'élargir les échantillons de cellules reproductrices mâles et femelles à d'autres espèces. Et une autre étude parue elle aussi cette semaine indique qu'un cœur de coraux est susceptible de résister au blanchissement et se régénère naturellement au sein de la Grande Barrière, Zoé. C'est le professeur australien Peter Mumby, l'université du Queensland, toujours en Australie, qui a publié une étude en début de semaine, cette étude dans PLOS Biology, dans laquelle il affirme avoir trouvé avec son équipe quelques 118 récifs coralliens susceptibles à eux seuls, non seulement de survivre et de résister au blanchissement, mais aussi de régénérer la quasi-totalité de la barrière. Pour les identifier, m'explicite-t-il hier au téléphone, il a appliqué une grille de 3 critères. Nous voulions d'abord identifier des récifs qui, lors de leurs épisodes reproductifs massifs, soient capables d'atteindre un très large nombre d'autres récifs, y compris les plus endommagés. Et nous en avons identifié grâce au mouvement océanographique modélisé par satellite. Parmi ces récifs, nous avons cherché à savoir s'il y en avait susceptibles de n'avoir jamais été touchés par un épisode de blanchissement. Des récifs qui seraient plus résistants et capables donc d'envoyer le plus de larves possible. L'autre donnée à prendre en compte, c'était la présence dans ces récifs de l'acanthère pourpre, une étoile de mer qui est le principal prédateur des coraux. Il nous fallait trouver des récifs qui y soient peu exposés. Nous n'avions pas grand espoir de trouver des récifs qui répondent à ces 3 critères, et pourtant nous en avons trouvé 118. C'est à peine 3% de la Grande Barrière de corail, mais ces 3% ont la capacité d'irriguer en larves la quasi-totalité de la barrière. Ce cœur de récif constitue en quelque sorte l'épine dorsale, le système circulatoire de la Grande Barrière. Notre étude révèle que la barrière a une plus grande capacité qu'on ne le pensait à se régénérer. C'est un espoir, mais nous savons que ce processus peut prendre du temps et nous ignorons toujours si les coraux arriveront à s'adapter suffisamment vite au changement climatique. C'est la raison pour laquelle je trouve sage de soutenir des projets comme celui de Peter Harrison et de son équipe. Nous ignorons bien sûr encore ce qu'il pourrait donner à l'échelle d'un récif entier, mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à faire de la recherche. Et en bref, une équipe du MIT a mis au point des muscles artificiels pour robots, des muscles extrêmement puissants inspirés par l'origami. Cette nouvelle méthode permet à ses auteurs, selon ses auteurs en tout cas, de fabriquer à n'importe quelle échelle des muscles artificiels très puissants comparativement à leur poids, puisqu'ils sont capables d'arracher au sol 1000 fois leur poids. Ces muscles ou actionneurs sont construits sur une structure de bobines métalliques et de feuilles de plastique qui sont pliées en accordéon et enfermées dans une pochette plastique scellée qui permet des mouvements très variés et coûte seulement $1 à produire. La NASA prévoit de lancer un nouveau type de rover d'ici 2020. Le successeur de Curiosity, qui avait été envoyé sur la planète rouge en 2012, pourrait être lancé en juillet ou en août 2020. Ce robot équipé de 7 nouveaux instruments et de roues redessinées devra évidemment étudier le sol martien en surface et en profondeur avec un but, trouver d'éventuelles traces de vie microbienne antérieure. Et le deuxième sujet de la semaine, ce sont des chercheurs de l'Institut FemtoST qui ont réalisé un détecteur de biomarqueurs du cancer du poumon, détecteur entièrement miniaturisé qui s'est montré performant sur des haleines artificielles. La recherche se concentre beaucoup depuis le début des années 2000 sur la détection de pathologies par l'haleine, puisque la dégradation des cellules chez le patient malade se manifeste par la présence ou par la plus forte concentration de certains composés organiques volatiles, notamment le toluène, l'orthoxylène, le propanol ou le cyclohexane, en l'occurrence pour le cancer du poumon. Alors il y a beaucoup de tests expérimentaux qui sont à l'œuvre en ce moment. Aucun pour le moment n'est totalement probant, mais l'équipe Minamas de l'Institut FemoST à Besançon a privilégié une approche novatrice, développé un détecteur qui a donné de bons résultats en laboratoire. Vous l'avez dit, sur des haleines artificielles. Jean-Baptiste Sanchez est le pilote de ces travaux. On travaille essentiellement sur des capteurs de type résistif, donc ce sont des oxydes métalliques, des matériaux qui vont voir leurs propriétés semi-conductrices évoluer en fonction de la nature chimique de l'environnement. Donc sur cette base, il y a un certain nombre de dispositifs qui ont vu le jour. L'idée, c'est de multiplier le nombre de capteurs pour tenter d'avoir une espèce de signature chimique de l'haleine. Le souci avec ce type de dispositif, même si c'est très prometteur, c'est qu'on n'arrive pas à identifier clairement la présence d'un composé et on n'arrive pas non plus à quantifier. Donc nous, ce qu'on propose, c'est d'utiliser un seul capteur chimique par rapport à ce qui existe actuellement, et plutôt de travailler en amont de ce capteur, c'est-à-dire qu'on va venir séparer toutes les molécules qui sont présentes dans la laine avant de les détecter. Et cette approche nous permet d'identifier clairement la présence d'un seul composé ou bien une combinaison de composés, et également de les quantifier. Et cet aspect quantification est très important, puisqu'elle va nous permettre d'avoir accès au stade d'avancement de la maladie. En bref, 72 nouvelles galaxies détectées dans le ciel nocturne. Par l'instrument MUSE, installé sur le Very Large Telescope de l'ESO au Chili, l'Institut européen d'astronomie, il est parvenu à mesurer distance et propriétés, mais aussi couleurs et contenus chimiques et mouvements internes de 1600 galaxies très faiblement lumineuses, dont 72 n'avaient jamais été détectées auparavant, même pas par Hubble. Cette nouvelle étape de l'étude de notre univers offre donc une vision nettement plus précise de ces galaxies lointaines, observées peu après le Big Bang il y a environ 13 milliards d'années. Le Big Bang, qui est une théorie dont on va reparler dans quelques instants. Deux nouveaux signaux précoces pour quantifier la magnitude de forts séismes viennent d'être identifiés par une équipe du CNRS. Et oui, à la suite d'un tremblement de terre, une perturbation du champ de gravité se produit quasi instantanément et pourrait être enregistrée avant les ondes sismiques habituellement analysées par les sismologues. Dans une étude publiée dans la revue Science, aujourd'hui, une équipe constituée de chercheurs du CNRS, de l'IPGP et de l'Université Paris Diderot est parvenue à observer ces faibles signaux liés à la gravité et à comprendre leur origine, donc de belles pistes pour la recherche. Et pour conclure, comme chaque semaine, par notre rubrique de sciences improbables, Zoé, vous avez retrouvé le Yeti. J'ai retrouvé le Yeti, pas tout à fait moi, mais en tout cas une professeure associée à l'Université d'État de New York. La légende de l'abominable homme des neiges était encore passée à la génétique. Alors il faut savoir qu'une première fois, en 2012, la très sérieuse Université d'Oxford avait analysé des échantillons ADN de poils censés provenir du Yeti. Un an plus tard, elle avait émis l'hypothèse que ce Yeti pourrait être en réalité issu d'un croisement entre un ours polaire et un ours brun, mais ses résultats n'avait clairement pas enthousiasmé ses confrères et ses consœurs, et notamment l'une de ses consœurs avance une nouvelle thèse. Elle s'appelle Charlotte Lindwigs. Elle travaille donc à Buffalo et elle a travaillé sur 9 échantillons de restes supposés d'Yeti, fragments d'os, de dents, mais aussi de poils et de matière fécale qui ont été collectés dans les montagnes de l'Himalaya dans une période qui va de la fin des années 30 à juste ici. Et bien, l'un de ces échantillons s'est avéré provenir d'un chien. Les 8 autres correspondent à des ours noirs d'Asie et des ours brun d'Himalaya, mais aussi des ours bruns tibétains. Eh bien, le Yeti est forcément un ours. Il est forcément l'un de ces trois-là. Lequel, mystère, on ne sait toujours pas. Voilà, collecteur de matière fécale de Yeti, un métier plein d'avenir. Merci beaucoup Zoé Sfès, on vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain Journal des Sciences. State that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall, we built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Si ce générique ne vous est pas familier, bienvenue dans l'univers de The Big Bang Theory, un sitcom américain produit par CBS depuis 10 ans, première diffusion en septembre 2007. La 11e saison a débuté à la rentrée dernière. Elle rassemble aujourd'hui autour de 20 millions de téléspectateurs par épisode. Ces acteurs sont devenus les acteurs parmi les mieux payés au monde, les acteurs de séries parmi les mieux payés au monde. Bref, c'est un carton plein pour une série qui fait le pari de prendre pour héros des anti-héros. Quatre scientifiques qui rassemblent tous les stéréotypes du geek et ce faisant qui marque une bascule dans le traitement de ces personnages par la fiction. Pour en parler aujourd'hui, donc Matteo Merzagora, ici à Paris, directeur de l'association Trace de l'espace Pierre-Gilles de Gênes, hein, qui est le lieu culturel de l'ESPCI Paris et de Paris Sciences et Lettres, et en duplex depuis France Bleu Vaucluse, David Perron, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université d'Aix-Marseille. Pour commencer, messieurs, donnez-moi l'un et l'autre la raison principale qui vous a fait aimer The Big Bang Theory et qui vous permettrait de la conseiller à nos auditeurs qui ne connaissent pas cette série. David Perron. Moi je l'ai regardé déjà parce que c'était un peu quasiment mon travail de la regarder, j'étais obligé de passer par là. Mais c'est vrai qu'au début je la trouvais vraiment assez drôle, et en effet la raison principale est simple, c'est que c'est la première fois qu'on voyait des geeks au centre d'une série. Et c'est... Après il y en a eu d'autres, séries et films, mais c'était une des premières à vraiment être massive, mainstream on va dire, massivement regardée, et être en même temps avec des héros geeks, et donc c'est vrai que ça marchait sur moi en termes de « Ah, on est représenté ». Mathieu Merzagora. L'idée de faire un physicien théoricien de corps d'un sex symbol, quand même, c'est un pari magnifique. Hein. On ne peut pas résister. Ça, c'est le personnage de Sheldon Cooper. On va faire un petit tour descriptif de ces personnages. Peut-être qu'il faut préciser que c'est un sitcom, donc c'est Mathieu Merzagora, une série avec des codes très précis, des rires enregistrés, c'est filmé en studio, oui, en public. Oui, avec une unité de lieu, avec deux ou trois lieux bien précis. Ici, oui, filmer un public, de son personne du public, écrit à fur et à mesure, c'est-à-dire que ce n'est pas entièrement écrit en avance, il ils savent pas où la série va aller, ils adaptent au moment du tournage, mais ils adaptent surtout d'un épisode à l'autre pour suivre, non pas l'actualité, non pas les sondages, mais la sensibilité que l'équipe arrive à avoir par rapport à sa relation au public. C'est quelque chose de très particulier des sitcoms. C'est-à-dire que sur le plateau, pendant le tournage, donc, qui se passe systématiquement en public, par exemple, s'il y a une blague, une punchline qui ne fonctionne pas, on coupe, on réécrit, on recommence. C'est ce qu'ils disent. Je n'ai jamais été sur les sets. Malheureusement, ce serait un peu un rêve de pouvoir assister live. Mais oui, c'est exactement ce qui se passe. Il y a des scénaristes, il y en a une douzaine, qui sont constamment sur le lieu. Et avec les auteurs, ils réécrivent sur place. Mais surtout, voilà, ils construisent les personnages à fur et à mesure. Ils suivent... l'évolution, c'est presque une simulation. C'est plus de la télé-réalité que la télé-réalité, je trouve. Parce que on reste dans la télé, mais ça se développe au fur et à mesure. David Perron ? Oui, la forme, finalement, est très classique de Big Bang Theory. C'est ça qu'on peut dire déjà. Il y a eu des sitcoms qui ont essayé de faire des choses moins classiques, moins en studio, etc. Mais vous regardez, comme par exemple, vous toute l'histoire. D'autres sitcoms qui ont essayé d'autres choses. Arrested Development, par exemple, qui est une série avec monocaméra, c'est-à-dire qu'il y a une seule caméra, et puis ils refont les scènes pour avoir le champ contre champ. Là, c'est du théâtre, en effet, en Big Bang Theory. Hein. Mais comme Friends, comme voilà, toutes les sitcoms les plus connues. Hein. Mais c'est du coup que la forme est très classique et très fermée. Hein. Mais ce qui a permis une improvisation, une présence des scénaristes sur le plateau, un jeu avec le public qui est différent d'ailleurs. Mais alors, par contre, au niveau formel, on peut pas dire que ça révolutionne grand chose. Ce qui est assez surprenant d'ailleurs, c'est que la série a 10 ans. 2007, c'est le moment de l'explosion de la variété des séries, des grandes séries dramatiques. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'innovations en matière de séries. On peut penser, je sais pas, par exemple, à The Nick de Steven Soderbergh, qui est une vraie série expérimentale. Quasiment, enfin, et pour le coup, la recette de Big Bang Theory, qui est une recette à l'ancienne, hein, c'est vraiment, comme vous l'avez dit, un sitcom de type Friends. Malgré tout, ça prend. Comment est-ce que vous expliquez que cette forme aussi rigide et aussi classique et aussi vieillotte finalement est prise à ce point-là sur le public, David Perron ? Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a le savoir-faire du créateur, clairement, Chuck Lorre, qui est un vétéran des séries télé américaines et qui sait très très bien faire son travail. Parfois, on lui reproche d'ailleurs de faire un truc un peu formaté, hein, mais il y a un rythme, une blague toutes les 10 secondes, un rire toutes les 10 secondes, et ce qui fait que voilà, c'est très très efficace. Et après, en effet, ça surfe aussi sur la popularité, mais on en reparlera, du personnage du geek. Et donc, ce mélange de tout ça, forme très classique mais très efficace et personnage à la mode, va faire que ça marche très très bien. D'ailleurs, Lorre le dit très bien, le créateur lui dit, moi je suis pas un geek, le geek ça m'intéresse pas plus que ça, mais je savais que c'était le personnage qu'il fallait, dont il fallait parler à ce moment-là, donc c'est là-dessus que je me suis basé. Donc lui, il est assez pragmatique et même limite cynique. Le coup de génie, selon vous, Matteo Marzagora, qui explique que cette forme aussi rigide et aussi vieillotte du sitcom prenne et fonctionne autant, puisque aujourd'hui, avec la 11e saison, Big Bang Theory dépasse Friends, qui s'est arrêté à la 10e, et dépasse en nombre d'épisodes, et même, encore une fois, je le disais, les salaires des acteurs deviennent mirobolants. Jim Parsons, qui joue Sheldon Cooper, gagne 25 millions de dollars par an sur cette série. Et c'est l'acteur de série le mieux payé au monde. Oui, mais bon, si j'avais une réponse claire à cette réponse, je ferais un autre métier. Je gagnerais comme Sheldon Cooper. Non, c'est... Je répète un peu ce que David disait, c'est l'effet de jouer à fond sur des codes très, très, très rigides, très précis. C'est-à-dire, ils n'ont pas eu peur de construire les personnages dans la... vraiment stéréotypés. Jouer les stéréotypes à fond, les faire jalonner. En choisissant un milieu qui n'était pas exploré de ce point de vue-là. Et on a beaucoup de rôles que le caractère du scientifique a joué dans l'histoire de la culture populaire et du cinéma. Et celui du geek n'avait pas, à l'époque, encore été complètement exploré. Bon, un peu Return to the Future, Retour au futur. Voilà. Retour dans le futur. Voilà, il y avait des exemples, mais les jouer à ce point-là, c'était nouveau. Alors là, ce sont pas seulement des personnages de geeks, ce sont effectivement quatre scientifiques qui travaillent dans le milieu universitaire. On les suit à l'université. D'ailleurs, il y a toute une partie de l'humour qui repose à Caltech en Californie sur le milieu universitaire. Peut-être on peut faire un rapide descriptif de ces personnages et des clichés qu'ils véhiculent avec eux pour les auditeurs qui ne connaissent pas la série. David Perron, je vous laisse commencer. Oui, alors le personnage central de la série, celui qui a un peu volé la série, un peu comme souvent dans les séries, on ne s'attend pas qu'un personnage explose à ce point-là, c'est évidemment Sheldon, donc qui est le personnage finalement le moins sociable de tous. Donc pour un sitcom qui est basé sur les relations entre les personnages, c'est un peu paradoxal. Mais c'est l'archétype typique du geek dans ses aspects les plus asociaux, qui s'est construit dans les années 80. Et on peut même dire qu'il est autiste, hein, c'est dit plusieurs fois dans la série. Il a des Asperger, en tout cas, voilà, une forme d'autisme assez précise. mais qui voilà qui induit des relations sociales un petit peu compliquées, une difficulté de communication et une obsession aussi pour certains sujets très précis, ce qui revient à la définition du geek, hein, finalement. Donc avec une obsession du détail, une volonté de cohérence et de cartésianisme partout dans toute sa vie, autant dans la fiction que dans la science d'ailleurs, et qui conduit évidemment à des situations compliquées quand il doit se confronter notamment aux filles, hein, ça c'est un grand classique aussi du geek, hein, dans les teen movies américains, et à toute la vie sociale en général. Et c'est souvent le ressort de l'humour dans cette série, c'est le décalage entre Sheldon et sa manière d'être extrêmement rigoureuse et rigoriste, et vis-à-vis du monde où les choses sont pas aussi simples que ça. Après, il y a d'autres personnages qui tournent autour de son domaine de recherche, c'est la théorie des cordes. Voilà, son domaine de recherche, c'est la théorie des cordes. Physique très fondamentale et très théorique. Et il est représenté comme un génie, lui-même se décrit comme un génie sûr qui va avoir le prix Nobel, il a une mémoire eidétique. Oui, je crois, après, il y a tous les détails dans la série, je crois qu'il a été admis au doctorat à 16 ans, et quand Cheney dit qu'elle a pris 4 ans pour faire les études supérieures, elle a dit, t'as pris 4 ans pour faire les lycées. Et il a un certain nombre et il a un certain nombre de troubles obsessionnels compulsifs comme celui-là. Penny, Penny, Penny. Good morning. Ça fait partie des gimmicks de la série, parce que la série se construit sur un certain nombre de gimmicks, dont celui-là, Sheldon, qui, quand il tape à la porte, est toujours obligé de taper 3 fois à la porte, et ça devient l'un des ressorts comiques, David Perron, de ce personnage et de sa rigidité. Oui, c'est ça, c'est la confrontation, surtout avec Penny, qui incarne justement l'américaine basique, voilà, ordinaire, qui vient en plus plutôt de la province un peu perdue, et qui est confrontée à ce génie autoproclamé, mais qui l'est un petit peu, en tout cas, dans la manière dont il est présenté. Et c'est tout décalage, hein, qui est un classique de la comédie, finalement, le décalage, le rencontre des classes sociales, la rencontre des différences. Et ce qui est intéressant dans la série, c'est que pour une fois aussi, elle a du répondant. C'est-à-dire qu'elle se laisse pas écraser totalement, Penny. C'est pas si que la blonde idiote, quoi. Il est très fort. Voilà, ils arrivent quand même à développer ça, même si on peut critiquer le rapport aux femmes dans cette série pour plein d'aspects, mais au moins sur le côté de Penny, elle lui répond, elle lui envoie des vannes et elle a pas peur, et donc du coup c'est cette confrontation permanente entre les deux, et cette amitié qui va naître entre les deux est finalement parfois assez touchante. Ouais. Penny qui est donc la voisine de palier, on fait un petit tour à vous la suite, Matteo Merzagora, des trois autres personnages principaux qui sont effectivement tous masculins, et on va voir que ça a un rôle important. Oui, voilà, le deuxième en ordre, disons, d'importance de présence dans la série, c'est évidemment Leonard Hofstadter. Lui, c'est par contre un physicien expérimental. Il fait des expériences et d'ailleurs, il y a des dialogues très, très beaux et très vrais dans ce cas-là entre le côté expérimental et le côté théorique de physique. Donc, les expérimentateurs qui se moquent des théories des cordes parce qu'ils peuvent dire n'importe quoi sans pouvoir les démontrer. Et d'autre part, les théoriciens qui appellent de vils mécaniciens. Il y a un épisode où l'ingénieur, le physicien expérimental est appelé les Oompa Loompa de la science, en référence évidemment à notre culture geek, celle de Charlie et la chocolaterie. Voilà, donc lui, par contre, c'est lui qui est profondément immergé dans le même univers, un peu asocial, etc., mais aimerait quand même en sortir, et d'abord il y arrive aussi, parce qu'il a effectivement une relation avec Penny. Et après, il y a deux autres personnages magnifiques de Contour, c'est Howard Wolowitz, lui, il est le juif, ingénieur, et il construit des toilettes pour la Station Spatiale Internationale, où il y va aussi une fois. Et il vit toujours chez sa mère. Ils vivent toujours chez sa mère, qu'on ne voit jamais, mais qu'on n'entend que la voix de la mère qui hurle tout le temps. Ça fait partie, voilà, de toutes les gimmicks de la série. Et le dernier, c'est Rajesh Kutrapali, qui est par contre un Indien, qui a socialement le problème qu'il n'arrive pas à parler aux femmes, sauf quand il est ivre. Et comme métier, il est astrophysicien. Et après, il y a aussi les quatre femmes. Bon, une, on a déjà parlé. C'est Penny. Je vais renvoyer à David Perron sur justement ce déséquilibre, hein, parce qu'effectivement, c'est donc quatre. La série est construite au départ sur ces quatre personnages masculins, sur leurs problèmes d'interaction. On a reproché effectivement à la série au début même d'être un poil misogyne, parce que les rôles féminins étaient incarnés par la blonde un peu bébête sur le palier, et au fur et à mesure, du coup, les créateurs de la série ont injecté des personnages féminins et des espèces d'alter ego à chacun de ces personnages masculins. Alors c'est vrai qu'il y a du coup ces deux nouvelles femmes qu'ils ont ajoutées, donc une chercheuse en biologie, une chercheuse en neurologie, donc c'est vrai que ça ajoute un petit peu un côté scientifique. Malgré tout, moi je trouve toujours, même s'il y a des moments que j'aime bien cette série, qu'elle est elle a des tendances un petit peu misogynes, dans le sens où tout est vu du point de vue du regard des hommes, et même les femmes qui arrivent sont toujours un peu une altérité, c'est-à-dire c'est quelque chose d'autre qu'il faut apprivoiser, on ne sait pas trop comment, c'est un peu compliqué, même pour les personnages qui sont moins autistes, moins compliqués au niveau de la communication que Sheldon, c'est toujours difficile, et c'est un objectif, la femme est un objectif, c'est quelque chose à trouver, à chasser, surtout, par exemple pour Rajesh ou pour Howard Wolowitz, qui est terrible de ce point de vue-là, qui au début de la série est vraiment quelqu'un d'assez horrible avec les femmes, qui les drague de manière très lourde. Et d'assez répugnant. Oui, d'assez répugnant. D'ailleurs, il se fait rejeter tout le temps, mais il continue à être comme ça. Voilà. Et il change un petit peu, il s'adoucit une fois qu'il trouve une fille. Donc, c'est un peu compliqué. Mais c'est bienvenu qu'il y ait eu des nouveaux personnages de femmes. C'est vrai que c'était un peu dommage qu'il n'y ait que Penny, un personnage de femme, en tout cas, qui soit central et qui soit scientifique, à la hauteur des autres, même s'il se moque évidemment beaucoup d'elle, parce que ce n'est pas des vraies sciences, parce que la physique, c'est la reine des sciences, etc. On voit tout de même dans ce descriptif des quatre personnages principaux, le geek qui n'arrive pas à parler aux filles, le geek à moitié autiste qui connaît tous les épisodes de Star Trek. En fait, la série ne joue finalement que sur les clichés les plus épais concernant et les scientifiques et ces personnages de geek, David Perron. Ah, ils sont extrêmement caricaturaux, et ça, c'est une image qui... finalement, la série n'est qu'un aboutissement de toute la construction du personnage de geek qui commence dans les années 70-80, c'est déjà assez ancien, et autour notamment des teen movies, c'est les films pour adolescents américains qui ont construit cette figure-là, où il fallait que toutes les subcultures américaines soient rencontrées, soient représentées, donc il y en avait toujours le rappeur, le gothique, la gothique, le fan de hip-hop, etc. Et puis on avait le club d'échecs du lycée, hein, dans les films de John Hughes, par exemple, des années 80, où la super série de films très très drôle qui s'appelle Revenge of the Nerds des années 80 aussi, où on a ces personnages-là qui sont soit au lycée, soit à la fac, et il en faut un, voilà, il faut le footballeur américain, la pom-pom girl blonde, et le geek. Et la Big Bang Theory a juste changé les choses, c'est que d'habitude c'est la pom-pom girl ou le footballeur américain qui était les héros et l'héroïne, et puis lui était secondaire, était plutôt un personnage humoristique, mais voilà, un peu secondaire, et puis maintenant on le met au centre, et on rajoute quand même la pom-pom girl qui est incarnée par Penny, et de temps en temps il y a le footballeur américain qui tapait sur le geek au lycée, qui apparaît souvent dans les épisodes. Le rapport au collège, au lycée est toujours très très évoqué. Ils ont tous été martyrisés plus ou moins les uns les autres. Voilà, c'est ce qu'on appelle la figure du bully dans les séries américaines, c'est-à-dire la petite frappe, le petit gamin qui tape sur l'intello. Et ça revient extrêmement souvent. Hein, et finalement, ça incarne cette espèce de revanche du geek qui est présente dans les teen movies américains depuis les années 80, mais qui prend de plus en plus de place et qui devient de plus en plus centrale avec une figure du geek qui devient une espèce comme une force de gravité qui attire toutes les qualités en même temps que les défauts qu'il avait à la base. Mais la communauté scientifique qui était à la fois flattée en même temps un peu outrée par cette série a dit notamment à sa sortie qu'elle était un peu consternée par ce côté extrêmement caricatural. Un scientifique américain astrophysicien disait: le stéréotype lamentable du nerd avec une blonde idiote représente un véritable pas en arrière pour l'image de la science auprès du public. Matteo Merzagora. Ou pour l'image des serveuses dans les locaux, hein, parce que je crois que j'ai pas entendu les serveuses dans les fast-food, c'est prendre le même temps. C'est-à-dire, c'est une série qui travaille sur les stéréotypes. Donc, je crois que, voilà, s'il y a quelqu'un qui devrait se fâcher, c'est pas les chercheurs qui, je crois, ont eu un gros, gros, gros coup de réflecteur qui a eu beaucoup d'effets positifs. C'est plutôt tous les autres. Non, les stéréotypes, il faut les prendre au sérieux. C'est quelque chose qui sert à la narration, qui sert à faire ce travail aussi d'interprétation des relations sociales que les séries font et sert à nous faire rire. Et donc, il y a eu évidemment, oui, des chercheurs qui ont parlé d'une vision voilà, lamentable, etc. Mais si je dois voir mon observatoire au moins, la plupart des textes, des études et aussi des réactions des chercheurs, après un certain moment, ils ont compris que prendre au sérieux ces types de séries, ça aide la science à se comprendre, dans la société, à comprendre quel type de vision le public a de la science. On peut jouer avec, on peut y être dedans. C'est pas par hasard, bon, on parlait de Curiosity avant, le jour où Curiosity en 2012 est atterri sur Mars, et toute l'équipe est allée sur le set de The Big Bang Theory, ils se sont assis sur les canapés qu'on connaît bien si on connaît l'esprit. Donc les chercheurs ont compris, ont décidé que c'était beaucoup mieux de jouer avec que de se lamenter. Et on va voir, et c'est l'un des points forts aussi de cette série, c'est que la série travaille avec un conseiller scientifique, ça s'appelle David Salzberg. La série suit, vous l'avez dit, Matteo Merzagora, l'évolution de la recherche et les grands événements scientifiques. On y parle du CERN, on y parle du boson de Higgs, et construit vraiment un humour à partir d'un matériau scientifique. Alors je vous préviens, nous avons choisi de diffuser pour une fois les extraits en version originale parce que la version française est vraiment catastrophique. Donc tendez un peu l'oreille, si vous n'êtes pas anglophone, restez avec nous et je vous expliquerai grosso modo ce qui vient de se dire. C'est un extrait du premier épisode où Penny découvre ses nouveaux colocataires, et ces nouveaux colocataires sont donc deux physiciens, deux scientifiques, deux geeks, et qui sont chacun sur leur tableau blanc de travail. Écoutez. This looks like some serious stuff. Leonard, did you do this? Actually, that's my work. Wow. Yeah, well, it's just some quantum mechanics with a little string theory doodling around the edges. That part there, that's just a joke. It's a spoof of the Born-Oppenheimer approximation. So you're like one of those beautiful mind genius guys. Yeah. This is really impressive. I have a board. If you like boards, this is my board. Holy smokes! If by holy smokes you mean a derivative restatement of the kind of stuff you can find scribbled on the wall of any men's room at MIT, sure. What? Come on, who hasn't seen this differential below here? I sit brokenhearted. At least I didn't have to invent 26 dimensions just to make the math come out. I didn't invent them, they're there. In what universe? In all of them, that is the point. Voilà, on entend donc Sheldon et Leonard qui sont dans une sorte de surenchère en montrant les tableaux avec leurs équations à leur nouvelle colocataire, leur nouvelle voisine de panier Penny, et un certain nombre de blagues, notamment sur la conjecture Born-Oppenheimer, où Sheldon décrédibilise le travail de Leonard en disant « mais ce que tu as écrit sur ton tableau, c'est ce qu'on trouve dans les toilettes pour hommes du MIT avec marqué en dessous « cœur brisé ». Et voilà, et donc on entend bien que dans cet extrait, David Perron, l'humour est vraiment fondé sur le discours scientifique. Oui, oui, et c'est ça, c'est typique de l'humour geek hein, qu'on retrouve depuis très longtemps justement dans les séries et les films. Mais cette fois mis en avant, il y avait une vidéo en 2016, l'année où la série a commencé, Big Bang Theory. Il y a une vidéo d'un humoriste américain très connu qui s'appelle Weird Al Yankovic, qui fait des parodies sur de clips et de chansons connues, et qui avait sorti une chanson de rap qui était une parodie de rap nerd ou geek, avec des équations dedans, avec des blagues, en disant voilà, je suis un gangsta. En parodiant évidemment le gangsta rap américain, mais en même temps je fais des blagues de geek, je mets des références à Star Trek dans mes paroles, et je mets des équations et je les résous et je suis trop fort. Et donc il y a cette idée de empowerment, comme disent les Américains, c'est de prise de pouvoir du geek sur le monde en disant on est dans un monde où qui est construit en fait dans lequel vivent des geeks, mais dans lequel en fait qui est construit par les geeks. C'est un peu eux qui construisent le monde, l'informatique, Internet, la science, qui décryptent le monde dans lequel on vit. Et donc au lieu de les mettre en arrière, il faudrait plutôt de les mettre en avant et de les rendre forts. Mais comme ils ont un décalage parce qu'ils n'ont pas le physique, la manière d'être, la manière de parler du héros classique, ça crée de l'humour parce qu'ils se prennent pour des chevaliers. C'est un peu Don Quichotte, hein, le geek qui se prend pour un chevalier, sauf que il a des moudins avant à combattre. Et donc il y a tout ce décalage là. Et donc il y a le côté génie un peu mal compris, et que le reste du monde voit un peu comme quelque chose de d'étrange, mais en même temps de fascinant. Et ça crée beaucoup d'humour, et ça perpétue un peu un stéréotype sur la science, qui est la science est construite par des gens qui ont des éclairs de génie, un peu la pomme de Newton, etc. Qui est une vision qui est totalement déconstruite par les gens qui font la sociologie des sciences, qui s'intéressent pas aux sciences, mais qui a une vision qui sort sur celle du grand public, finalement, qui dans la continuité de Salut Savant Fou, un petit peu, voilà. Et c'est là-dessus que repose l'humour, sur ce décalage entre le côté ésotérique de la science et puis des vrais gens de la vraie vie qui ont des vraies préoccupations. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, on entend une blague notamment où Leonard dit à Sheldon, oui, mais moi au moins j'ai pas besoin d'avoir 26 dimensions pour expliquer mes théories. Et Sheldon lui dit, mais ces 26 dimensions, elles existent partout. Enfin, on joue sur la théorie des cordes. Ça demande tout de même, Matteo Merzagora, une petite sensibilité, une petite connaissance de ce que c'est que la science et pourquoi est-ce qu'on rigole sur les 26 dimensions de la théorie des cordes. Ou est-ce que ça s'adresse aussi, cet humour-là s'adresse aussi aux gens qui n'y connaissent strictement rien? 20 millions de spectateurs, il n'y a pas 20 millions de théoriciens de cordes, évidemment. Donc il y a quelque chose là qui ne nécessite pas du tout d'avoir, même de connaître les milieux universitaires pour apprécier, pour rire. Et je pense pas que c'est, il y a les blagues scientifiques pour les scientifiques et les blagues sexuelles pour les autres. Mm-hmm. Non, je crois que, comme on l'a dit avant, les deux niveaux d'humour sont très très construits ensemble. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de blagues qui sont probablement complètement incompréhensibles si on ne connaît pas ces types de systèmes. Mais c'est comme dans toutes les grandes séries, ils arrivent à mettre plein de références, de clins d'œil à des communautés différentes. Bon, les Simpsons, je crois que c'est... dans chaque épisode, il y a des centaines de clins d'œil spécifiques et qui n'empêchent pas à n'importe qui de l'apprécier. Tous ces jeux du milieu scientifique, il y en a presque dans chaque épisode. Le plus beau, si je peux raconter, c'est les moments où ils jouent à paintball, non, ces jeux de guerre où on se tire dessus avec de la vernis, de la peinture. Mmh. Et à un certain moment, Sheldon décide de faire un geste qui est typique du film de guerre, de se faire tuer, de se faire avoir, sacrifier pour ses camarades. Donc il sort devant les ennemis et il dit la géologie n'est pas une vraie science. et c'est ça qui fait tirer dessous, pas les géologistes, parce que eux, c'est des physiciens, la reine des sciences, comme on disait avant. Mmh. Voilà. Mmh. C'est ce sous-texte-là, David Perron. Encore une fois, on peut suivre la série, on peut s'attacher à la série, et c'est certainement l'un des génies de Big Bang Theory. C'est que même si on n'y connaît rien, et même si on comprend rien, parce que on est souvent, à travers le regard notamment de Penny, confronté précisément à notre propre inculture ou à la propre inculture du grand public pour les sujets scientifiques. Et c'est ce décalage-là, à travers ce personnage, qui permet de faire passer ce type d'humour sans perdre les spectateurs. Oui, je pense que la série, autant du point de vue des références pop culturelles que des références scientifiques, joue sur un entre-deux, c'est-à-dire qu'ils vont jamais prendre des choses vraiment, vraiment, vraiment trop pointues, dans le sens où vraiment des théories émergentes que personne connaîtrait, vraiment, à part quelques chercheurs. Et pareil pour les références culturelles, ils font toujours attention à mettre des comics que tout le monde connaît, ou à mettre des références à Superman, ou à des jeux vidéo assez emblématiques. Mais en même temps, c'est clair qu'ils peuvent pas s'adresser à des gens qui connaissent tous ces références-là. Donc on est obligé de brasser large. Mais ça baigne dans une culture scientifique, dans des références scientifiques. Mais quelque chose qui est assez courant dans la pop culture américaine, finalement, quand vous regardez les films catastrophes américains, vous avez toujours le scientifique qui avait tout compris avant tout le monde et qui annonce une longue théorie pour expliquer pourquoi est-ce que la Terre va s'effondrer sur elle-même, ou pourquoi est-ce qu'une météorite va nous tomber dessus. Et il explique toujours avec des termes qu'on ne comprend pas. Et d'ailleurs, souvent, c'est n'importe quoi, mais on ne comprend pas. Et en même temps, on sent que ça donne une espèce de cadre de crédibilité à la chose. Et une fois qu'on a un socle solide, l'humour ne se base jamais sur rien. Et donc, avoir un socle sur lequel on peut dériver ensuite, c'est très important. Et donc, c'est assez inédit, c'est vrai, dans l'humour, d'utiliser la science. Mais finalement, c'est un très très bon moyen, parce que tout le monde a des vagues références de science. Ici, d'ailleurs, Einstein, on voit Stephen Hawking dans la série. Mm-hmm. Mais juste assez pour pouvoir comprendre en quoi c'est drôle. Et ça, c'est assez fort. Matteo Merzagora. Oui, je pense que l'exactitude de la partie scientifique qui est assez poussée dans la série. Les équations sont toutes bonnes, enfin, je veux dire, ça ils ont voulu faire référence à ce qu'il y avait sur les tableaux du premier film d'Indiana Jones, qui n'était pas bonne, mais ils devaient respecter la vérité historique d'Indiana Jones, et donc ils ont dû mettre une fausse équation. Bon, voilà, c'est des petits jeux. Des petits clins d'œil, encore sinon, une fois. Tous les, à tous la les... culture pop et à la culture geek aussi, oui. Et sinon, tous les équations, effectivement, sont absolument correctes et bien faites. Et non, mais l'exactitude, c'est une forme de respect. Et je crois que c'est là une des clés fortes. C'est une série qui est très respectueuse, en effet, des faiblesses des gens, très respectueuse de la science. On se moque beaucoup, mais aussi dans le fait de choisir d'être exact, d'être précis, d'aller voir aussi une façon de parler entre les chercheurs. Il y a beaucoup de respect pour la science, et je crois que le public, même ceux qui ne comprennent pas les détails, reconnaît cette forme de respect. Et que je crois que c'est une des clés de la qualité de la série. Et avec parfois des mêmes efforts de vulgarisation. Par exemple, si vous ne saviez pas ce qu'est le Doppler effect... Hey, Sheldon, there's something I want to talk to you about before we go to the party. I don't care if anybody gets it. I'm going as the Doppler effect. No, it's not... If I have to, I can demonstrate. Terrific. Hi. Hi. Hello. So what are you supposed to be? Me? I'll give you a hint. It's Choo-choo train? Close. Meow. A brain damaged choo-choo train? Meow. I still don't get it. I'm the Doppler effect. Okay, if that is some sort of learning disability, I think it's very insensitive. Why don't you just tell people you're a zebra? Well, why don't you just tell people you're one of the seven dwarves? Because I'm Frodo. Yes, well, I'm the Doppler effect. Voilà, c'était un épisode d'Halloween où donc Sheldon décide de se déguiser en effet Doppler. Donc il a un costume rayé noir et blanc qui représente effectivement la déformation d'une onde en fonction de la position de la personne qu'il perçoit. Donc malgré tout, il y a aussi quelque chose d'une main tendue vers les non-scientifiques, vers les non-geeks, où petit à petit, il y a un travail de vulgarisation par l'humour. Vous pensez que c'est une part importante du succès de The Big Bang Theory, David Perron ? Encore une fois, je pense que ça donne un socle. En effet, ce qu'on disait, le socle scientifique qui soit réaliste et qui soit véridique et que les exemples donnés soient en effet justes. Et que, alors moi, j'ai trouvé, c'est un des moments que je trouvais les plus drôles dans la série. En effet, c'est ce moment-là. C'est, en plus, dans la culture geek, il y a vraiment une culture du cosplay, c'est-à-dire d'utiliser du do-it-yourself, enfin, d'utiliser ses compétences pour fabriquer un costume et incarner des personnages. Et là, on incarne un concept scientifique. C'est vrai que c'est très, très intéressant. Et en effet, le fait que ce soit juste, que ça incarne vraiment quelque chose qui existe et qui soit pas si difficile à comprendre pour le grand public, mais en même temps pas très connu. Ça pousse à s'y intéresser et ça donne une base pour les blagues après des filles qui se moquent de lui en disant mais tu fais quoi hein, t'es un train non mais t'es un train qui a un problème mental. Je trouve que ça, vu que le concept est juste et vrai et qu'il l'incarne vraiment bien avec le bruit qu'il fait avec sa bouche et avec son costume, ça donne une base à l'humour. Si c'était n'importe quoi, ce serait de l'humour absurde dans le vide, mais comme une sitcom est basée quand même sur des relations humaines psychologiques et qui sont censées être plus ou moins réalistes, c'est vraiment très bien joué pour donner une base. Et en plus, en effet, ça, quand on veut expliquer l'effet Doppler à quelqu'un, maintenant il est très facile de lui montrer l'image et ou de faire le bruit avec la bouche qu'on n'osait pas faire avant. C'est ça. Voilà, tout à fait. Et même on peut expliquer l'accélération des galaxies, etc., des choses comme ça, avec des choses aussi simples que ça. Donc c'est très bien joué. C'est de la vulgarisation par l'humour et par la situation auquel on s'identifie. On dit, je comprends pas, mais j'ai envie de comprendre. En même temps, ça me paraît drôle, qui est très efficace. Ouais. Matteo Merzegora. Oui, après, il faut pas mélanger ça, que David a très bien dit, avec un effort vulgarisateur sur les contenus scientifiques. C'est-à-dire, c'est un support. Ça peut être un socle, ça peut être quelque chose qui aide. Parce que vouloir faire d'une série comme The Big Bang Theory une série qui servirait à expliquer les sciences aux gens, mais non. Et ça permet de dire beaucoup de choses sur les sciences, de comprendre les scientifiques, souvent. Mais si on veut expliquer les sciences, je crois qu'on manquerait de respect pour la série qui a bien d'autres ambitions que celle d'expliquer les sciences. Il y a d'autres moyens, on est dans une émission qui fait ça aussi. Et il y a une autre partie de cette série, moi, qui m'intéresse et que je trouve aussi assez culottée, c'est que c'est donc huit personnages en tout, sept si on enlève. Bon, bref. Il y a des enfants qui viennent d'arriver. Spoiler. Oui, mais en français, il y a un mot pour dire spoiler, je l'ai perdu. Divulgâcher. Voilà, merci beaucoup. David Perron. Non, c'est l'humour aussi autour du milieu universitaire. C'est-à-dire qu'on est à la fac, on est dans les laboratoires et on rigole vraiment avec le milieu universitaire en se moquant parfois de manière assez aigre-douce du milieu universitaire, des vieux professeurs qui sont envoyés à la retraite et qui finissent à poil dans leur bureau parce qu'ils n'ont plus un rond et qui sont dégagés après une carrière scientifique, de la rivalité entre les scientifiques, du manque de considération que les docteurs peuvent avoir pour les ingénieurs, il y a une vraie constitution d'un humour proprement parlé universitaire, David Perron. Et ça, malgré tout, ça pourrait être un peu rebutant. Et ben non, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Et en plus, ils reprennent des choses qui sont assez connues pour le coup dans le milieu des sciences, comme par exemple les blagues sur la géologie, qui ne serait pas une vraie science. C'est un grand classique des physiciens. On a plein d'extraits historiques de physiciens qui se sont amusés à faire des blagues là-dessus, même si évidemment il y a pour eux-mêmes, hein, pas forcément que du sérieux là-dedans, mais où les blagues sur les chimistes, c'est que de la physique, c'est que de la physique, mais qui cache son nom. Et toutes ces blagues de compétition qui, à la fois, en plus, reflètent une vraie poussée compétitive de la science, hein, de plus en plus aujourd'hui, avec les budgets qui baissent, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et même si c'est pas une série politique, hein, directement, dans la théorie, mais bien sûr, mais il y a cette idée-là de compétition, de jeu avec les budgets aussi, hein, qui est très important aux États-Unis, où il y a des partenariats avec l'État, avec le privé, etc. Dans les dernières saisons, on voit beaucoup de liens avec l'armée, notamment hein, dans la recherche fondamentale aux États-Unis. C'est très très important le rôle de l'armée. Et donc tous ces éléments-là, en effet, sont un peu caricaturales, toujours poussés un peu plus loin, mais sont assez justes et sont bien montrés dans la série. On voit des moments de colloque aussi universitaire où les chercheurs se posent des questions un peu vaches en fin de colloque, que tout le monde a déjà vécu ça s'il fait de la recherche, soit en sciences dures ou en sciences humaines. Et donc on a des identifications et on se dit, c'est vrai que parfois, moi ça m'est arrivé et d'autres collègues aussi, de se dire. mais qui va rire à ça, à part nous qui savons comment ça marche. Et pourtant, ça marche quand même, parce que je pense qu'en fait, justement, quand on a un discours comme ça sur les relations humaines, en fait, il devient universel quand on l'explique bien, et quand il est bien montré. Et donc, du coup, en effet, ça touche les chercheurs qui disent « Ah, mais ouais, bah, c'est un peu comme ça », et le grand public va peut-être un peu comprendre les violences symboliques qu'ils peuvent avoir dans ce genre de milieu. Notamment, l'un des running gags de sur toutes les saisons, c'est donc Sheldon qui fait de la physique théorique, qui a plusieurs PhD, donc il y a plusieurs doctorats, et qui se moque et qui rabaisse systématiquement Howard, qui lui est un ingénieur et qui a beau être un ingénieur de haute volée, puisqu'il part, il y a même un épisode, enfin plusieurs épisodes où il part dans la station spatiale internationale, eh bien il est systématiquement rabaissé à son niveau d'ingénieur, c'est-à-dire tu n'es pas docteur, donc tu es bête. Oui, voilà, les blagues, il y a un physicien, un ingénieur et un mathématicien dans une pièce et après la blague continue, c'est une blague classique de conférence et évidemment celui qui sort les biens, si on a une conférence des mathématiciens, c'est les matos qui gagnent, ingénieur et physicien. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose que la série a repris et parce qu'il a reconnu aussi, hein, il y a un public qui c'est tous les universitaires, et c'est pas un public marginal, c'est quand même beaucoup de monde et qui a trouvé beaucoup de plaisir à se voir finalement représenté, voilà, d'une façon respectueuse, intelligente, etc. Mmh. Après, c'est vrai, il y a aussi la présence de l'humour dans la science. Là, nous, on avait fait une exposition il y a 3 ans, ça s'appelait la science, une histoire d'humour. On a pris le pari de décrire le monde scientifique à partir de toutes les blagues qu'on retrouve sur les murs de labo, sur les portes de labo. Si quelqu'un a visité une fois dans la vie un laboratoire de recherche ou le bureau d'un chercheur, il a vu les blagues de Sidney Harris qui sont des blagues sur la discipline, sur le financement de la recherche. Donc là, dans les PowerPoint, dans les présentations scientifiques, très souvent on démarre pour détendre par une blague. Et donc nous on avait fait le pari de prendre toutes ces blagues et les mettre tous ensemble. C'était une exposition participative co-construite par les chercheurs et le public, justement parce que cette utilisation de l'humour pour dialoguer, pour se raconter, pour se comprendre, aussi pour faire de l'auto-ironie, c'est quelque chose de très présent dans les sciences. Donc je crois que les scénaristes, ils ont aussi pris beaucoup de ces dialogues internes à la recherche, qu'en étant si fréquents et si présents, on ne peut pas juste dire qu'ils sont marginaux, externes à la recherche. Ils font partie. La vie d'un chercheur est aussi fait partie de ces blagues après la conférence sur les ingénieurs, les mathématiciens et les physiciens. Il y a autre chose et une autre composante qui fait aussi le sel de Big Bang Theory, c'est qu'il y a toute une partie d'un humour. On est tout de même sur CBS, qui est un grand network, donc en général c'est qui donne lieu à des séries assez consensuelles, assez lisses. Même on peut beaucoup aimer Friends, mais l'humour de Friends est un humour très très très passe-partout, qui parle à tout le monde, très multigénérationnel. Malgré quelques références un peu grivoises, ça ne dépasse jamais la limite de la bienséance. Or, The Big Bang Theory se permet des incursions dans des humours extrêmement grinçants, que ce soit à connotation sexuelle, que ce soit à connotation raciale. Il y a beaucoup de blagues sur le fait que Rajesh vient d'Inde et que voilà qu'il est immigré. Enfin, il y a vraiment ça fait partie vraiment aussi de l'ADN de la série David Perron. Oui, ça, moi, à mon avis, ça vient, enfin, la possibilité de faire ça sans que ça soit trop choquant, etc., même s'il y a toujours des critiques et des critiques possibles, ça vient de la figure du geek pour moi, parce que la figure du geek est considérée justement dans son côté extrême, geek syndrome, c'est-à-dire le syndrome Asperger aux États-Unis, ils appellent ça le geek syndrome, donc c'est vraiment cette idée d'associabilité et de regard un peu froid sur le monde, hein, qui conduit justement à un regard scientifique, hein, et à une vision scientifique du monde. Pour moi, c'est cette vision, c'est cette approche-là, cette figure-là qui permet ça, puisque le geek serait celui qui serait naïf, en fait. Il a un côté innocent, enfantin, le geek, d'ailleurs, dans ses pratiques culturelles ou dans son rapport au monde. Il a un côté très « je viens juste d'arriver ». Et donc, du coup, ça lui permet de dire des choses que pourrait dire un enfant, qu'on trouverait mignon de la part d'un enfant. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas. Un enfant peut dire des choses très crues, très horribles, qu'on ne dirait pas à quelqu'un, justement, sur les côtés raciales ou côtés sur des éléments économiques. Regarde, le monsieur, il est mal habillé, choses comme ça, qu'on entend, que ça fait toujours rire les parents. Et si un adulte disait ça, ça ferait pas rire. Et en fait, le geek est considéré comme un peu un enfant dans le monde social. C'est-à-dire, il a le droit de tout dire parce qu'il est un peu ailleurs. On comprend pas tout. D'ailleurs, c'est la figure du savant fou, encore une fois. Là, vous parlez de Sheldon, surtout. C'est surtout l'incarné par Sheldon. Sheldon, même les autres. Même les autres, je pense que Léonard aussi a ce côté un petit peu naïf parfois sur le monde social, sur comment vivre la vie de tous les jours, quoi. Des choses qui ils sont très doués pour la théorie, mais dans la vraie vie de tous les jours, ils ont plus de mal. Et donc, on leur pardonne de dire parfois des énormités parce que ils se rendent pas compte ou ils savent pas faire. Et donc, c'est que des geeks, donc c'est pas grave. Et donc, la figure de geek permet de faire passer beaucoup de choses, comme l'enfance peut permettre de faire passer les choses. Il pousse le bouchon parfois relativement loin. Hein. J'ai le souvenir notamment d'un épisode où justement pour essayer d'être titularisé, ils essayent tous d'aller séduire en tout cas la responsable des ressources humaines de l'université qui est noire, et Sheldon, qui est complètement à côté de la plaque, ne fait que des références racistes épouvantables, des références à l'esclavagisme, il lui offre un DVD de Racine, enfin, et malgré tout, enfin, c'est un humour très vraiment, enfin, très grinçant pour une chaîne grand public, pour une série qui a visé grand public, Matteo Merzagora. Oui, sans doute. Après, il y a toujours cette douceur de fond. Ces personnages, on voit beaucoup leur fragilité, c'est des personnages qu'on sent très proches dans cette maladroite, dans cet être maladroite. Ben, Sheldon est insupportable. C'est quelqu'un qu'on voudrait jamais avoir à côté. Et pourtant, je crois que tout le monde a une sorte de tendresse pour lui. Et donc, c'est peut-être aussi sur cette construction. C'est vrai que moi, je continue à citer, après les Simpsons, on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant les Simpsons. Et ça permis beaucoup de choses. David Perron. Mais non, ce qui est très fort avec Sheldon, et justement, ce qui permet de faire passer les choses, c'est qu'en effet, il est très très froid, très très dur, très violent avec les femmes, avec lui, avec les autres, avec tout le monde sauf lui, quoi, hein, voilà. Et qui tient lui-même, et ça va, il se tient en très haute estime. C'est que on va être touché quand la série va nous donner une petite porte ouverte. C'est-à-dire qu'ils vont nous montrer Sheldon qui va être un peu tendre avec sa copine, qui va lui offrir quelque chose, ou qui va s'ouvrir vers l'amitié avec Penny le jour où Penny, par exemple, offre à Sheldon une serviette de table dédicacée par Leonard Nimoy, donc le héros, le Spock dans Star Trek. Il lui fait un câlin, lui qui déteste les relations physiques avec les gens, les toucher, etc. Et il a peur des germes, et ce moment-là est très touchant parce que en fait on ne donne jamais rien. Mais on est vraiment la série joue avec nos nerfs, hein, parce que on ne donne jamais rien, et donc le jour où on nous donne un truc, ben on est super content. Une ou deux fois par saison, on a le moment cute Sheldon. Il est mignon, il est cute, il est rigolo, et il nous touche, il est humain. En fait, ça nous ramène à sa propre humanité, qui n'est pas qu'un scientifique dans son monde qui invente des choses. Donc c'est très bien dosé. Et ce que sait très bien faire The Big Bang Theory aussi, c'est qu'au fur et à mesure de son gain en popularité, elle attire un certain nombre de caméos. Donc c'est des gens qui sont connus, qui font partie de l'univers étendu et qui font des apparitions. On voit par exemple George Takei de Star Trek, Katie Sackhoff de Battlestar Galactica. Et puis il y a aussi des scientifiques, des prix Nobel, Neil deGrasse Tyson, et des scientifiques qui arrivent avec un certain niveau d'autodérision, comme dans cet extrait. Écoutez. Professor Hawking, it's an honor and a privilege to meet you, sir. I know. I want to thank you for taking time to see me. My pleasure. I enjoyed reading your paper very much. You clearly have a brilliant mind. I know. Your thesis that the Higgs boson is a black hole, accelerating backwards through time, is fascinating. Thank you. It came to me one morning in the shower. That's nice. Too bad it's wrong. What do you mean, wrong? You made an arithmetic mistake on page 2. It was quite a boner. No, but that can't be right. I don't make arithmetic mistakes. Are you saying I do? Oh, no, of course not. It's just, I was thinking, oh, gosh golly, I made a boo-boo. And I gave it to Stephen Hawking. Great. Another fainter. Voilà, vous avez certainement reconnu la voix synthétique de Stephen Hawking, qui fait donc une apparition, un caméo dans un épisode où il est moqué, Stephen Hawking, tout au long de The Big Bang Theory. Howard limite, on se moque de lui, on se moque de son handicap, on se moque de son caractère en le faisant passer pour un type caractériel, et il vient malgré tout rencontrer Sheldon dans un épisode où on entend que, en fait, il lui dit que Sheldon a fait une faute de calcul à la deuxième page du papier qu'il l'a donné à Stephen Hawking, et donc donc Sheldon se rend compte de son erreur et tombe dans les pommes, et Stephen Hawking dit, ah ben voilà, encore un autre qui s'évanouit devant moi. Ça demande tout de même un certain degré de dérision, d'auto-dérision, de second degré par rapport à cet humour qui peut être très caricatural et parfois un peu vachard, David Perron. C'est vrai que les imitations par Howard de Stephen Hawking sont très très gratinées. Mmh. C'est très difficile à refaire. N'essayez pas chez vous, c'est dangereux. mais voilà, mais c'est vrai que bah alors, après Stephen Hawking, c'est un particulier parce que c'est un scientifique totalement iconisé. C'est-à-dire que plus personne s'intéresse vraiment à ce qu'il fait comme recherche depuis longtemps, mais on s'intéresse à sa figure de Stephen Hawking, qui en plus a le physique pour le coup, le physique typique du entre guillemets du geek, mais poussé à l'extrême. C'est-à-dire le tout est dans le cerveau et plus rien dans le corps. Quoi. Mmh. C'est-à-dire Sheldon le dit dans la série à un moment donné. Il dit moi de toute façon, j'entretiens mon corps vaguement. Je lui donne à peu près à manger, je fais un tout petit peu de sport juste pour que mon cerveau continue à fonctionner. Et donc ça, c'est un fantasme typique de la culture geek depuis très longtemps, hein, de tout mettre dans le cerveau, et le corps finalement c'est un truc secondaire. On pourrait être dans un univers virtuel, mettre son cerveau, le télécharger ailleurs, c'est pas très grave. Et donc il incarne très bien ça finalement, c'est ce fantasme typique du geek de finalement il devient une espèce de cyborg, voilà, moitié homme, moitié machine. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a cette voix informatisée très alors qu'il pourrait avoir une voix aujourd'hui avec les ordinateurs qu'on a très réaliste, mais il a choisi, hein, Stephen Hawking, il le dit, de garder cette voix finalement qu'on reconnaît comme ça. Donc je pense qu'il est très conscient aussi, Stephen Hawking, que cette série contribue à renforcer son iconisation, son côté voilà, scientifique très, très visible, très populaire. Il était déjà apparu dans les Simpsons, etc. Et là-dessus, c'est très bien joué. C'est clair que l'autodérision, c'est le meilleur moyen de montrer qu'on est plus complexe que le personnage qu'on peut voir, et de s'humaniser finalement beaucoup plus. Et après, oui, il faut accepter, il faut avoir assez d'humour pour accepter ça. Mais je pense qu'il a assez de reconnaissance, Stephen Hawking, pour permettre ça. Un dernier mot, puisqu'on arrive à la fin de cette émission. Est-ce que, grâce en partie, évidemment pas que, à Big Bang Theory, est-ce qu'aujourd'hui, David Perron, cette culture geek qui a longtemps été une contre-culture, est-ce qu'elle est devenue, notamment grâce à cette série, une culture mainstream aujourd'hui? En tout cas, ce qu'incarne Big Bang Theory, c'est un basculement, clairement, qui a eu lieu autour de 2005-2007, hein, qui est donc vraiment au moment de la sortie de la série. Autant la figure du geek était connue depuis très longtemps aux États-Unis, un peu moins en France, mais aux États-Unis beaucoup, autant il y a eu un basculement où vraiment c'est devenu vraiment très très connu, et même en France où on a eu des documentaires, des couvertures de journaux sur la culture geek, puis les super-héros Marvel au cinéma, et puis les films Star Trek qui reviennent, Star Wars évidemment, et la culture scientifique qui revient à la mode, etc. Donc il y a eu tout un mouvement en effet, et Big Bang Theory incarne très bien ce basculement. Après, dire que la culture, j'entends souvent dire ça, la culture geek est devenue mainstream justement à cause des super-héros, à cause de Big Bang Theory, c'est compliqué parce que justement on constate quand même que dans le grand public il y a un manque de culture scientifique assez flagrant encore, même de culture vulgarisation, hein, pas forcément extrêmement poussée. La culture geek dans ses côtés culture populaire, il y a plein d'aspects qui sont pas encore très connus, hein, des jeux vidéo indépendants, des jeux de rôle un peu étranges, etc. Ça reste, mais il y a une diffusion de cette figure là et de cette possibilité que la culture geek est finalement de plus en plus acceptable, en tout cas c'est un loisir possible pour les gens. Un tout dernier mot, parce que c'est vraiment la fin de cette émission, comment est-ce que vous expliquez, parce qu'on en a beaucoup, c'est un sujet de réflexion en France autour des états généraux de l'imaginaire, comment vous expliquez que cette culture qui est de plus en plus diffusée par le cinéma, par l'audiovisuel, ne se traduise pas par un regain d'intérêt en librairie, puisque les littératures de l'imaginaire s'effondrent, malgré quelques titres comme Game of Thrones qui portent le tout, on achète, on lit moins de fantasy, de SF aujourd'hui qu'hier. En quelques mots, David Perron et Matteo Marzagora, pour conclure. Bah alors c'est une question très compliquée, en effet, il faudrait y passer du temps, mais déjà de manière générale... On a déjà beaucoup parlé ici, mais je voulais avoir votre opinion. Voilà, mais c'est déjà de manière générale, les études sociologiques montrent que de manière générale, on lit moins, de toute façon, donc forcément. Et puis on vit dans une culture de l'image qui fait que la littérature reste une inspiration, c'est-à-dire 90% des films, des séries de science-fiction, des films qu'on voit au cinéma sont inspirés de livres. Sauf que c'est une inspiration, mais pas forcément qui est consommée par le public. Donc on en a besoin, en effet, mais il y a en effet une baisse. Alors après, les raisons sont très, très multiples. Bazinga. You've fallen victim to another one of my classic practical jokes. Voilà, on se quitte sur un bazinga de Sheldon Cooper, qui est qui indique qu'il vient de faire une blague, et on note qu'un élément barium zinc gallium a été créé, hein, ça fait bazinga quand on respecte le tableau périodique des éléments, en hommage précisément à The Big Bang Theory, comme quoi finalement même la série finit par infuser la science. Merci beaucoup à tous les deux, merci David Perron, merci aux camarades de France Bleu Vaucluse Avignon pour le duplex, merci beaucoup Matteo Merzagora. Vous pouvez retrouver évidemment cette émission comme chaque jour en direct, direct, comme chaque jour, sur le site de franceculture.fr et sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Noémie Naguette, Saint-Ville, Francéine Lozen, Eve Etienne, Mathieu Lefrançois, Hugo Bartholomé, Antoine Beauchamp, Elisabeth Miro à la réalisation, Jean-Louis Deloncle à la technique. La suite de vos aventures sur France Culture, tout à l'heure après le journal de 18h, c'est le Club du Grain à Moudre, comme chaque vendredi, avec au programme aujourd'hui, diplomatie Macron, changement de style ou changement de fond. Ce sera avec Hervé Gardette à 18h20. Le magazine de la rédaction dans quelques instants, la société malienne face au sida, combattre les préjugés. C'est un magazine de Tara Schlegel. Et pour ce qui nous concerne, la semaine prochaine, dans La Méthode Scientifique, lundi, nous parlerons de l'épidémie du VIH en France. Mardi, il sera question de Neptune, cette lointaine inconnue. Mercredi, comment les nouvelles technologies permettent de recenser la vie sauvage. Jeudi, une émission consacrée à l'histoire de Louis Pasteur. Et vendredi, actualité des sciences et de la recherche. On se retrouve lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.